Olivier Gueff, pour l'amour du psychiatre, au docteur Glon. Je t'ai écrit souvent, et tous mes courriers sont demeurés sans réponse de ta part. Est-ce pour te préserver de mes tourments, de crainte d'y être emporté comme en un tourbillon, que tu places ainsi entre nous cette froide distance? Ou bien ne serait-ce pas plutôt que tu as été trop haï? Tous ces fous qui se sont succédés dans ton cabinet pour cracher ensuite sur ton art, ils t'ont fait beaucoup de mal, pas vrai? Sache que je te comprends. Et la main sur ton épaule, je pleure avec toi sur tant d'ingratitude. Je te dois la vie, à toi, nouveau père mandaté par l'État, toi qui crois à ma route en un moment où je croyais ma jeune existence parvenue à son terme. Je pensais naïvement vivre pour le progrès intellectuel et moral de la nation. Je jugeais d'après cela que j'avais fait mon devoir et je pensais pouvoir partir, jeune et en bonne santé. Là, tu m'ouvris les yeux et je renaquis à des devoirs nouveaux. Tout à mes idéaux, j'avais laissé de côté la réalité, les devoirs réels. Produire et consommer. Produire et consommer. La seule existence véritable dans une société capitaliste où il ne faut pas omettre d'exister quantitativement pour exister véritablement. Progressivement, assommé et castré par les neuroleptiques, tu me réappris le chemin du magasin pour assouvir mes désirs. Tu me réappris à désirer les choses matérielles telles qu'un modeste paquet de gâteaux et à trouver mon bonheur dans le Coca-Cola. Désirer consommer, c'est désirer vivre. À nouveau, j'intégrais les statistiques officielles. Mon bonheur devenait quantifiable, computable, contrôlable. Peu à peu, je devenais l'otage de ces joies terrestres nouvellement conquises, étant habilement conduit à vouloir produire pour vouloir consommer. À toi, qui castra l'artiste pour en faire un travailleur, merci. Grâce à tes neuroleptiques, je réfléchis moins et je progresse sur la route de la vénération des valeurs sociales. Merci du fond de l'âme.